bam baram baram bam baram baram bam baram baram baram. Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes dans l'émission de Portrait Civique, l'émission qui dresse un portrait de jeunes en service civique chaque semaine. Alors aujourd'hui on est avec Loïc de La Souris Verte, bonjour. Bonjour. Alors La Souris Verte c'est un lieu de musique actuelle porté par la communauté d'agglomération d'Épinal dans les Vosges, alors implanté à Épinal et à Thaon. Alors justement j'ai découvert que c'était aussi à Thaon. La Souris Verte, je pense qu'on connaît tous d'abord le lieu de, qui est donc en plein centre-ville d'Épinal. Oui. Toi, tu travailles surtout là-bas ou tu fais un peu les deux, tu te déplaces un peu? Bah, à La Souris Verte même, il y a des, il y a la diffusion de concerts, mais il y a aussi des studios de répétition. Et moi, je gère en particulier les studios de répétition. Il faut savoir qu'il y a des studios aussi à Thaon, donc oui, j'y vais de temps en temps. Mais il y a uniquement des studios à Thaon, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de scène, il n'y a pas de... Ouais. Donc c'est uniquement de la répétition. Mais oui, effectivement, ça m'arrive d'y aller de temps en temps. Ces studios, ils sont où dans Thaon ? Côté de la médiathèque, c'est vraiment en plein... Ouais, près de la médiathèque, en plein centre-ville. Ok. Et les studios d'Épinal, ils sont aussi au même endroit que là où se passent les concerts ? Voilà, ils sont juste, bah, c'est la même salle. Ok. Alors, du coup, La Souris Verte, c'est d'abord donc des concerts. Enfin, nous, en tout cas, ce qu'on connaît le plus vu de l'extérieur, c'est des concerts. Tu pourrais un peu nous décrire un peu les artistes qui viennent ? Oula ! Est-ce que c'est des gens ultra locaux, ultra connus, un peu des deux, au milieu ? Ça dépend, il y a vraiment de tout. Il y a évidemment des grosses dates où, avec plein de gens, des grosses têtes d'affiches, mais il y a aussi des plus petites dates de genre plus underground. Et, effectivement, c'est pas une énorme programmation. Il y a une grosse date de temps en temps parce que ça reste une petite salle. Mais il y a vraiment de tout. Il y a plusieurs esthétiques représentées. Ok. Et toi, tu fais vraiment dans ton service civique, est-ce que tu fais un petit peu... Tu touches à ces concerts ou toi, tu nous disais, c'est vraiment que la partie studio ? Bah, dans ma mission, je ne suis pas censé faire la technique, faire des concerts, etc. Et il faut savoir que la plupart du temps, pendant les concerts en semaine, moi, je suis au studio. Ok. Parce que le but du service civique, c'est d'être un plus, c'est pas d'être vraiment dans l'équipe. Donc, je fais les studios pendant que les autres régisseurs s'occupent du concert, de l'entrée, de la billetterie, qui font un peu de technique, etc. Mais non, moi je n'y touche pas. Ça m'arrive de donner des coups de main de temps en temps, mais vu que c'est pas dans ma mission, j'aime pas trop non plus aller mettre les mains là où j'ai pas légalement le droit d'aller. Ouais. Et c'est ça qui est un peu frustrant aussi dans le service civique, c'est qu'on est vraiment là pour donner un plus. On a une mission et on doit rester focus sur sa mission. Bah, on doit pas légalement aller ailleurs, on doit pas le faire. Alors justement, on va peut-être parler de ta mission. C'est quoi exactement le titre de ta mission en service civique ? Oula, c'est un grand rallonge. Accompagner les pratiques amateurs, puis c'est une longue phrase, mais en fait, non, ça consiste juste à faire de la régie de studio et de promouvoir un peu la scène locale sur le blog, etc. Ok. Donc, est-ce que tu fais un peu de communication ou c'est vraiment. Oui, complètement, oui. Ouais, c'est mon rôle de gérer le blog, ouais. C'est quoi ce blog ? C'est vrai, je connais le site internet officiel de La Souris Verte, je ne savais pas qu'il y avait un blog. Bah si, il y a un blog où y a des articles sur... Il y a l'agenda de La Souris Verte, il y a d'autres articles, il y a des petites annonces, il y a un agenda où on répertorie vraiment toutes les dates de musique actuelle de la région. On ne sort pas de la région. On peut réserver pour les studios directement via le blog. Donc voilà, le blog, c'est un plus pour la communication, oui, effectivement, et c'est moi qui le gère. Alors, tu veux dire que tu fais aussi de la communication pour des scènes qui ne se passent pas à La Souris Verte ? D'autres concerts dans les Vosges, c'est ça ? On répertorie juste la date. D'accord. On met toutes les infos, mais voilà, c'est juste du recensement, en gros. C'est du recensement de dates. D'accord. Ça s'appelle pas un truc avec scène des Vosges ou comme ça ou Non, scène Vosges, c'est notre régie, c'est le côté théâtre du bâtiment. Ok. Ok, et du coup, comment t'as un peu toutes ces infos? Elles viennent à toi ou c'est à toi d'aller un peu chercher tout ça C'est un mélange des deux. Ouais. C'est moi qui suis très curieux, qui arrête pas de poser des questions tout le temps. Et puis c'est aussi, on me répond avec grand plaisir en général. Ok. Et puis je participe des fois aux réunions, donc je sais à peu près, j'ai des échos de ce qui se passe, je sais à peu près comment ça marche. C'est un peu pour ça que je suis dans ce bâtiment-là, c'est que je voulais, c'est un métier vers lequel j'ai envie de me diriger. Et donc ça me permet de me mettre en immersion dans la structure, et ce serait bête vraiment de rester là et de ne pas poser de questions. Mais tout en restant dans la mission, on peut quand même poser des questions, regarder, observer comment ça se passe. C'est des réunions, quand tu parles de réunions, c'est des réunions de programmation ? Il y en a plusieurs, oui, il y a des réunions de programmation, il y a des réunions d'écoute, et il y a des réunions normales, d'une entreprise normale où ils font le point, etc. Des réunions d'écoute ? Bah oui, la programmation, il faut que tout le monde sache un peu qui programme quoi. Donc ouais, ils proposent, ils écoutent, on voit si ça colle, après ça se gère avec le tourneur, tout ce qui est... voilà. C'est-à-dire que vous faites une présélection et après vous faites une réunion avec cette sélection et vous passez des titres en disant « ouais, ça c'est pas mal, ça c'est bien ou... ». Voilà, oui, on a notamment, il y a trois personnes qui sont à la programmation, chacun ont une esthétique différente. Et il y en a un, c'est tout ce qui est indé, underground, donc c'est des groupes qui sont pas, enfin c'est des artistes qui sont pas forcément mis sur le devant de la scène, mais lui il connaît, donc il propose. Il dit « voilà, ça, voilà, on essaie de faire quelque chose avec ça » et c'est comme ça que ça se passe. Ok, et toi, tu peux des fois proposer des choses ? Est-ce que tu en as déjà proposé ? Oui. Ça t'est arrivé ? Oui, j'ai proposé un ou deux artistes, mais bon. C'est pas moi qui m'occupe de ça. Ouais. Et t'écoutes quoi un peu comme musique ? Énorme, beaucoup trop de choses d'ailleurs. D'accord. Je pense que c'est beaucoup trop large pour être vraiment qualitatif. Je pense que j'ai été trop vite dans mes écoutes. Mais bon, ça, il y a une grosse base rock, rock'n'roll, old school. Récemment, on a eu Cadavar à la Souris Verte, c'est pas old school, mais ça sonne old school et c'est vraiment mon domaine. Après, je vais dans toutes les esthétiques possibles, imaginables. Parce que ma base, c'est le rock'n'roll. La Souris Verte, ça reste quand même vachement large en style de musique. Ben oui, quoi. Complètement, il y a beaucoup d'esthétiques. Ça t'a fait découvrir des nouveaux groupes, des nouveaux styles, des nouvelles musiques un peu bah, complètement, oui, notamment tout ce qui est hip-hop, rap, ils ont une programmation hip-hop-rap extrêmement... super cool, moi j'ai découvert des artistes géniaux qui ont fait des concerts sublimes là-bas. Alors que moi, les concerts de hip-hop, normalement, j'y n'y vais pas. Que du coup, même si tu participes pas en tant que service civique au concert, tu viens peut-être quand même, j'imagine, des fois à des concerts, voir comment ça se passe, et puis en tant que public, on va dire. Quand j'ai le temps, oui, évidemment, oui, évidemment. Et puis ouais, j'imagine c'est vachement intéressant quand t'as un peu participé aux réunions de programmation, d'écoute, de voir comment ça rend sur scène, parce que... un artiste en CD, un artiste sur scène, des fois c'est très différent, non ? Ah ben complètement. Complètement, mais il faut que sur scène ça tienne la route. Mais en général, ça c'est des gens, c'est des managers extérieurs qui gèrent ça. C'est pas directement une communication entre la structure et les artistes. Ça passe par des tiers qui gèrent tout ça. Ça, c'est en général des gros groupes, non ? Qui passent par des managers ? Même pas des même énormes des groupes. Groupes locaux ah ouais, ouais, même des groupes moyens, on va dire. Ouais, ça se passe comme ça, et en général, c'est les tourneurs qui se portent garant de la qualité du show, et puis okay. Et c'est comme ça que ça se passe. Du coup, j'imagine. Ils prennent pas n'importe qui, quoi. Ouais, j'imagine quand on les contacte, ils font un espèce de résumé, comment ça va se passer sur scène, l'ambiance, comment va se comporter l'artiste, un peu comme ça, mais on a un petit peu. Bah, ça, après, c'est l'équipe qui va voir d'eux-mêmes ce que ça donne. Après, tant que le bail est sérieux, j'ai envie de dire, tant que tout est respecté, que techniquement tout est en place, on n'a pas vraiment à dire aux artistes quoi faire sur scène. Ouais. Mais on sait à quoi s'attendre, ouais. Oui, évidemment. C'est ça, pour avoir une idée un peu... Voilà, quand t'as des groupes qui préviennent bien à l'avance aux gens de la sécu, vous inquiétez pas, si on fait monter des gens sur scène, c'est normal, ouais, laissez-les ouais. monter. Voilà. Ouais, ça se passe comme ça, mais... En amont, tout ce qui est fait, c'est tout ce qui est technique. Il y a une fiche technique, il y a un backline à respecter, il y a du matériel, il y a à telle heure, il faut faire ça, etc. C'est très, très carré. Alors, j'ai une question qui vient de me venir. T'as peut-être pas forcément la réponse, mais j'ai été voir Fishback à la Souris Verte, et à un moment, c'est vrai qu'elle a allumé sa cigarette en plein concert. J'étais là, genre, waouh, genre, tout le monde s'en fout, c'est normal, personne lui dit d'arrêter. Est-ce que ça, c'était prévu, par exemple ? Bah, les artistes, c'est eux qui sont les rois, en fait. Ouais. Quand ils sont accueillis, il faut qu'ils soient bien accueillis pour donner un bon show, parce que c'est quand même eux qui font tourner le truc. Donc, ils font ce qu'ils veulent. C'est eux les rois. C'est okay. aussi simple que ça. Mais en termes de... Après, c'est peut-être trop technique, enfin, c'est peut-être trop précis. C'est en termes de sécurité, incendie et tout, c'est pas grave d'allumer sa clope dans une salle fermée. Non, je sais pas. Après, j'imagine que si elle a prévenu en avance et qu'on lui a dit oui, c'est que ça devait être bon, quoi. Bon, en général, ils préviennent pas, non, ils s'en fichent, ils font attention. Enfin, il y a quand même... Ça dépend vraiment. En général, quand un artiste balance sa clope sur scène, je veux dire, au hasard à un endroit, t'as les gens qui sont les roadies qui sont extérieurs au groupe, qui installent le matos, qui le voient et qui gèrent ça. C'est quand même, ils vont pas négliger les risques d'incendie. Ouais. C'est juste un artiste qui s'allume une cigarette. En soi, c'est pas répréhensible. Il fait ce qu'il veut, l'artiste. Tant que les gens du public se mettent pas à faire pareil. Voilà, les gens. Voilà, exactement, ouais. Okay. Bah ça, j'ai déjà vu ça dans un zénith énorme. Ouais. Dès que l'artiste allumait sa première cigarette, il y avait un nuage de fumée dans la salle et la sécu savait plus quoi faire. Et c'est vrai que c'est très désagréable, surtout quand t'es pas fumeur. C'est pas évident. Dans une salle aussi fermée, ça devient vite... En plus, oui, la souris, c'est une toute petite salle. Il n'y a pas intérêt. Il y a déjà pas mal de fumée, de fausses fumées dans la salle. Non, non, c'est strictement interdit de fumer dans les lieux publics. Les artistes, eux, ils ont droit, mais les autres, non, pas le public. Même le staff, rien. Ok. Pour revenir un petit peu au choix des artistes, je me souviens, il y avait... alors, je crois que c'était Emmanuel Paysan qui était venu à une émission de l'IA, donc ma collègue qui fait les quotidiennes à midi. Et il nous avait dit qu'en fait, ils avaient une espèce de grosse liste d'artistes du coin. Je sais pas, du coup, toi, tu as accès à cette liste. Et est-ce que c'est ces mêmes artistes qui viennent dans les studios ou c'est déjà une liste de gens assez connus qui se passent un petit peu de la souris verte? Tu parles de la scène locale? Oui. Oui, on a le rôle d'une salle de musique actuelle, c'est aussi d'être un point convergent pour la scène actuelle. Tous les groupes, quasiment tous les groupes de la région répètent à la Souris Verte. Okay. Et effectivement, si le show tient la route, l'équipe peut décider de mettre ça en première partie d'un autre groupe plus connu. Et justement, c'est ce que vous essayez de faire à la Souris Verte, c'est de promouvoir. Ouais, complètement, on essaye de. Les artistes locaux, quoi. Ouais, de faire sortir quelque chose de la scène locale, vraiment qui est vraiment quelque chose qui se passe. Avant la Souris Verte, c'était chacun faisait son truc à droite à gauche. C'est dans la musique, les gens ils sont pas très ils sont sympas quand t'es devant eux, mais ils s'entraident pas assez. Ouais. Et le fait qu'il y ait une structure professionnelle qui réunit tout ça et qui sait de faire des choses et qui font jouer les groupes dans des super conditions, qui les font jouer avec des bons artistes, c'est... Il y a cette volonté de faire quelque chose avec la scène locale. Et c'est le cas dans toutes les salles de musique actuelles de France. Et ça, c'est ce que tu observes un peu, que les gens s'entraident entre artistes? Bah, moi, en fait, vu que je suis au studio, oui, je suis complètement dans la scène locale. Ouais. Puis oui, mais de toute façon, même quand tu travailles pas dans le milieu, quand tu es dans une scène locale, underground, c'est toujours comme ça. C'est les groupes, ils jouent ensemble, ils sont contents, ils se boivent des bières, mais si jamais on doit prêter du matos, ça va être non, voilà. C'est... Ah, ouais. Voilà, c'est des petites... Mais c'est de bonne guerre, quoi, mais c'est dommage. Ok. C'est dommage, mais c'est comme ça partout. Parce que du coup, rappelle-moi un petit peu, les studios, c'est vraiment pour que les gens aient en fait du matériel d'enregistrement de qualité, c'est ça? De répétition surtout. De répétition. L'enregistrement, on peut en faire, mais c'est pas un vrai enregistrement pro. D'accord. Pourquoi pas pro? Parce que vous n'avez pas le matériel ou c'est parce que vous n'avez pas le label? Parce que ce n'est pas des studios d'enregistrement, c'est simplement des studios de répétition. D'accord. Donc oui, il n'y a pas du tout le matériel. On peut enregistrer, il y a quand même une table, on peut en faire quelque chose, mais c'est très limité. C'est pas aussi bien qu'un vrai truc d'enregistrement. C'est pas fait pour, C'est pas fait pour, c'est uniquement de la répétition. D'accord, et du coup, c'est vachement bien. Du coup, on peut être n'importe quel petit groupe, dire, moi, mes parents veulent pas que je répète chez eux, je peux venir à la Souris Verte. Ou il faut quand même un certain, entre guillemets, des certains critères pour venir? Ah non, non, c'est libre. Tout le monde peut venir seul, le temps qu'il veut, à plusieurs... Et puis, au bout d'un moment, les groupes se forment, ou même les groupes qui étaient déjà formés, ils viennent régulièrement, ils viennent toutes les semaines répéter. Okay. C'est les habitués, ça tourne, ils viennent tout le temps répéter à la Souris. Tu dirais qu'il y a combien de groupes? Enfin, je sais pas, c'est peut-être une question bête. On a plus de 300 groupes inscrits, après il y en a plein qu'on splittait, il y en a plein il y a plein de projets éphémères, on peut jamais savoir. Mais il y a plus de 300 groupes inscrits et ça tourne plutôt bien, ouais. Tous les jours, on est pas mal remplis. Est-ce que j'allais dire, ça doit, enfin, 300 groupes, enfin, ça doit être overbooké dans les studios ou du coup, il y en des a quand fois, même. Oui, des fois, c'est un peu tendu. Oui. Parce que du coup, il y en a quand même à Épinal et à Taon, donc ça fait combien déjà on a dit. Ça fait 600 tout. Il y en a 2 à Taon et 4 à Épinal. Ouais, donc ça fait, ça fait quand même pas mal. Hein. Comme quoi, on dit que les Vosges, il se passe rien, mais il y a quand même des gens qui font des choses. Bah, c'est un peu révélateur de ce que je disais sur la scène locale. On a vraiment une scène locale foisonnante. On a plein de projets super qui veulent. Qui veulent de la reconnaissance, et c'est complètement normal. Et avant, ils restaient dans leur coin, ces gens-là. Ça tournait pas, il y a toujours une scène locale foisonnante, mais les 300 groupes, on les voyait très peu. Et là, maintenant, le fait qu'il y ait ce point de convergence, ouais. Bah, ça fait qu'on est au courant qu'en fait, ouais, il y a une scène locale foisonnante qui ne demande qu'à faire des dates, qui ne demande qu'à trouver des partenariats, etc., mais qui ont du mal. Et tu penses qu'il y a des gens qui, en fait, souhaitent pas forcément être célèbre ou connu, en fait, qui juste a envie de jouer pour le plaisir de jouer, ou ça reste une minorité ? C'est pas vraiment une question de célébrité, il y a un peu de ça, il y a un peu d'avoir son quart d'heure de gloire, mais moi, avec mes groupes, la finalité, ça a toujours été de s'éclater, de faire des concerts, et si jamais ça prend trop de temps, parce qu'un projet musical, ça prend du temps, en vivre, c'est le but, simplement le but de tout groupe, je pense, c'est d'en vivre, c'est pas de vendre des disques, c'est d'en faire, mais d'en vivre, c'est compliqué d'en vivre, et c'est pour ça qu'il y a un peu ce fantasme d'être célèbre, gagner beaucoup d'argent. Non, en fait, tu peux être célèbre et rien gagner, enfin, c'est très... Et tu peux avoir le relatif. Plaisir de jouer, en fait, en concert, et... d'avoir un public, etc. C'est-à-dire pas émerger un petit peu de ton chez-toi, sortir sans forcément faire des grosses salles. Parce qu'il y a quand même pas mal de petites salles quand même dans les Vosges, à droite à gauche, quand on se renseigne, il y en a quand même pas mal. Les gens viennent de loin, ou ça reste quand même le bassin Épinal, Remiremont, la Plaine? Oui, c'est très local. Ouais, mais parce que les gens viennent de loin, genre, je sais pas, Saint-Dié, Neufchâteau, ça commence à faire une trotte, quoi. Ah oui, il y en a qui viennent de Neufchâteau, oui, bah... Ok. Ouais, ça arrive, ouais. Juste pour une répète, ou même de Nancy, même de... Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas ceux qui viennent répéter le plus souvent, c'est pas ceux que moi je vois le plus, en tout cas. Okay. Mais oui, il y en a évidemment, et puis même moi, je suis des Vosges, mais j'allais fréquemment répéter à Metz, à une autre salle de musique avec mes groupes. À Metz, ça fait une trotte, il n'y a pas Nancy, j'imagine, c'est plus près. Ah non, nous non, on répétait à Metz, parce que c'est là qu'était basé le groupe, j'y habitais quasiment, enfin j'étais hébergé, mais on allait tout le temps répéter là-bas, ouais. Vous n'avez pas du tout d'équivalent en termes de studio comme ça dans les Vosges? Vous êtes un peu les seuls ou... à proposer ça? Oui, non, on est les seuls. Enfin, avant, il y avait des locaux tenus par des indépendants, quoi. C'était pas un truc officiel. Et il y a toujours pas mal de studios homemade, enfin des gens qui font eux-mêmes leur studio et qui y répètent. Mais la plupart viennent à la souris quand même, parce que c'est des vrais studios, c'est pro. Ok, du coup, on retrouve amateurs et professionnels, alors? Oh oui, complètement, oui. Ok. Puis alors, même des professionnels, des fois, il n'y a pas que de la diffusion de concerts, il y a aussi des fois, la souris crée des ateliers avec les artistes qui viennent jouer, et la journée, avant de faire leur concert, les artistes font leurs ateliers avec quelques inscrits, où ils leur apprennent des trucs, ils voient des... C'est vachement cool, ils se servent des studios pour ça aussi, ouais. Alors, ben, si tu veux, on peut en reparler juste après la pause. On va faire une première pause musicale. Mmh. Alors, justement, j'ai choisi un groupe assez local que j'ai vu jouer une fois. Ça s'appelle Les Pirates. Je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Et ben voilà, après, peut-être que c'était juste éphémère le temps d'un petit festival. Donc, Les Pirates avec une reprise. Ça s'appelle Toujours Plus. Et je vous laisserai donc deviner le titre original. More and more freedom and love. What he's looking for, what more? Vous êtes de retour dans l'émission de Portrait Civique et vous venez d'entendre une reprise de Freed from Desire, donc faite par les pirates. Et on est avec Loïc de la Souris Verte. Et alors, on discutait un petit peu donc de ce que tu faisais en service civique et tu nous as parlé un peu des ateliers. Alors, il y a des ateliers jam des fois, des ateliers un peu musique pour apprendre à jouer. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est exactement le contenu? Ça touche à beaucoup de choses. Il y a des stages de perfectionnement vocal, instrumental. Il y a des stages de technique pure d'instruments, régler les guitares, etc. Les stages de batterie. Les jams, c'est des soirées, c'est des concerts à part en fait. C'est pas vraiment des ateliers. C'est une scène ouverte où tout le monde peut jouer. Les ateliers, ça se fait plutôt en journée. Et puis oui, ça touche à tout. Ça touche aussi à la tournée, au booking, comment gérer une tournée quand on a un groupe amateur, etc. Donc ouais, on essaye d'apporter l'aide de professionnels et de musiciens conseils à ceux qui le veulent. C'est pas forcément toi qui anime en fait ces ateliers? Non, j'ai aucun rôle là-dedans. Moi, j'inscris ceux qui viennent. Tu fais l'organisation, quoi. Ouais, voilà, je fais l'entrée en fait, je gère l'entrée je mène les gens qui veulent, les gens qui sont inscrits, je les mène directement où se passe l'atelier. C'est pas du tout toi qui les organise en amont, c'est-à-dire avoir l'idée. Je n'organise rien, je peux donner des idées, mais le staff a déjà son réseau, ils savent déjà quels intervenants prendre. Voilà. Je n'ai pas de contact là-dedans, j'ai rien à dire à ce sujet. D'accord. Tu es juste, on va dire. Tu j'ai perdu le mot. Tu fais les choses, quoi. Tu n'es pas forcément décideur, quoi. Moi, j'observe et je donne des coups de main. J'essaie de participer. Après, tu peux donner un peu ton retour parce que j'imagine tu participes ou tu vois un peu comment ça se passe. Des fois, oui, je veux carrément voir des bouts d'atelier. J'y reste pas longtemps parce qu'en général, quand je fais ça, il y a des studios à côté qui tournent. Et quand ça tourne à plein régime, il faut être là. Ouais. Mais des fois, oui, je regarde un bout d'atelier. C'est quand même vachement intéressant ce qui se dit. Ouais. C'est des précieux conseils. Après, les gens sont maîtres de les appliquer ou pas. Mais les gens qui viennent, c'est des gens qui s'y connaissent. C'est vraiment des pros, c'est des gens qui ont leur réseau. Donc, des gens qui jouent eux-mêmes ou qui ont plus l'habitude de faire des formations c'est des artistes Des fois non. Okay. Des fois, c'est pas des artistes, mais c'est des gens qui sont dans la musique. Et qui savent comment enseigner ou donner des conseils ou qui sont un peu là-dedans dans la formation, j'imagine. Mais du coup, ouais. Après, la pédagogie qu'ils utilisent, c'est eux qui décident. Ouais. Des fois, oui, effectivement, ils mettent bien à l'aise les gens. Je me souviens d'un stage voix que les gens avaient adoré, la pédagogie de l'intervenante. Et je me souviens d'un autre stage, justement, booking tournée, où là, c'était... il n'y avait pas de langue de bois, quoi. D'accord. C'était rigolo. C'était direct, vous voulez tourner avec votre groupe, alors faut faire ça, ça, ça, faut éviter ça, ça, ça. C'était vachement cool, hein. Mais chacun après a sa manière d'expliquer les choses. Hein. Ouais. D'apporter quelque chose. Et toi, du coup, tu dis que c'est vachement intéressant comme conseil, parce que tu fais de la musique toi-même, c'est ça, avec ton groupe. Et ça t'intéresserait, toi, de partir en tournée ou... Ah bah complètement. Ouais. Complètement. Puis on a déjà les contacts, moi après... Voilà, c'est le but de tout groupe, je pense, de faire des tournées, même si un fantasme de la tournée, c'est pas vraiment comme on l'imagine. Ouais. Mais oui, évidemment, moi, c'est ce que je veux faire. Ce que je veux faire, évidemment. Donc, c'est des précieux conseils qui sont pas négligeables. Chacun fait à sa façon. La tournée qui est prévue avec un de mes groupes, on a déjà les contacts, on a déjà quelque chose de prévu. Enfin, ça dépend, chacun fait à sa manière. Est-ce qu'on peut avoir les noms? Le nom de ton groupe? Oui, est-ce que tu dis un de mes groupes? Ça veut dire que tu as plusieurs groupes? Oui. Est-ce qu'on peut avoir les détails ou... Oui, bah, le premier groupe, c'est les Rapaces de l'Espace. C'est un groupe de kitsch punk, yéyé punk sur Metz qui fait partie d'une scène, une scène très yéyé punk dans Lorraine. Donc il y a plusieurs groupes en fait où on se connaît tous. Et du coup, c'est des groupes qui ont déjà fait des tournées à travers la France. Donc, on a déjà ces contacts-là. Et puis, oui, c'est des musiciens interchangeables. On est une bande de potes et on va jouer chacun dans les projets des autres. Et puis, des fois, il y a des projets comme ça qui naissent. Et le but, oui, c'est avec la Rapace, le but, c'est de faire beaucoup de concerts et des concerts vivants. C'est pas de bien jouer, c'est pas de. Donc, ouais, ça, c'est plutôt rock'n'roll et c'est plutôt quelque chose qui me plaît. Après, avec mes autres groupes, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est pas le but de faire le max de concerts et de pas bien jouer. Là, le but, c'est quand même de faire quelque chose d'à peu près carré. Enfin, moi, ça me permet de toucher un peu à tous les râteliers et d'avoir un certain équilibre dans ce que je fais. C'est pas le même style de musique ? Pas du tout. C'est ça qui est bien. Ok. On peut avoir, je sais pas, un peu de nom, le nom de tes autres groupes, un peu le style, ou ça reste un petit peu informel pour toi ou... Non, je pense. C'est un autre. C'est un groupe local, pour le coup, qui s'appelle Mauser Fockers. Pas Mauser, Mauser le fusil. Ok. Qui existait déjà avant que moi je sois dedans, où ils étaient trois, ils ont commencé à faire des concerts, ils ont sorti un EP, mais le groupe a splitté et du coup le line-up s'est reformé, cette fois avec moi dedans. Ça fait un an qu'on bosse, cette fois-ci on est cinq. Et ça va, en gros, on attend vraiment avant d'envoyer le bois parce que ça fait vraiment un an qu'on bosse le truc et qu'on sent vraiment que ça va être cool. Et oui, c'est un groupe de Saint-Dié, ouais. Donc c'est du hard rock pour le coup. C'est okay. Du hard rock old school, on y va et puis c'est tout. Par contre, il faut que ça groove, quoi. Il faut bosser le truc pour faire des concerts. Et tu penses justement le fait de travailler à la Souris Verte, ça pourra t'aider un petit peu à avoir, bah, comme tu dis, des contacts, connaître un peu mieux les scènes à contacter pour jouer ? Alors oui, complètement. Ouais. Cependant, moi, j'ai rien à attendre de la structure en elle-même. Il n'y a pas de favoritisme à ce niveau-là. Et surtout que dans le monde professionnel, je sais que pas mal de gens qui ne sont pas artistes n'aiment pas travailler, embaucher des musiciens, justement parce qu'ils vont privilégier leur groupe au travail. Et ils vont profiter de ça. Mais enfin, moi, je trouve que c'est complètement pas vrai. Hein, mais du coup, non, moi, j'ai rien à attendre de ça. Je ne vais pas... Je vais pouvoir peut-être monter des plateaux amateurs, enfin rencontrer des groupes, ouais, c'est ce que je fais, voir avec eux après, mais jouer dans des conditions pro à la Souris, c'est pas moi qui le décide. Ça, c'est les gens du staff. Et c'est pas parce que je suis dans l'équipe qu'ils vont, qu'ils vont choisir moi. Il faut que ça tienne la route, ce qu'on fait. Et vu qu'avec Mauser, on a toujours pas fait de concert, que ça fait un an qu'on bosse, bah, ça sera pas tout de suite. Okay. Mais je pense, oui, que ça peut, évidemment que ça peut m'aider. Ça m'a fait rencontrer plein de gens, ça m'a fait découvrir plein de lieux, ça m'a fait rentrer dans un troisième groupe où on fait de la funk. Du coup, c'est pas du tout mon style habituel, et du coup c'est vachement cool parce que moi ça me permet de jouer autre chose, de jouer mieux, de me diversifier, de changer de jeu. Donc ouais, ça marche plutôt bien à ce niveau là ouais, ma question en fait était surtout ça t'a appris plein de choses en fait, et ça te fait connaître des gens. En fait, c'est rentrer dans un réseau surtout qui est vachement important, ça. Voilà. Et toi, surtout si t'es sur Metz, j'imagine tu connaissais peut-être un peu plus le réseau lorrain, peut-être plus général, quoi. Peut-être plus vers Metz, Nancy, qui n'est pas forcément peut-être le même que les Vosges, ou ça reste les mêmes gens ? Non, c'est pas la même chose, mais il y a toujours une scène locale dans les deux villes. Enfin, ouais. Il y a une scène locale autour de chaque salle de musique actuelle. Il y a des liens comme ça, il y a des groupes qui... De temps en temps, ouais, mais ceux qui veulent sortir de leur région, ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais, là, ça d'accord. Se compte vraiment, il n'y en a pas énormément. J'avais un peu des questions par rapport, pour revenir un petit peu sur ton service civique. Donc toi, tu dis que tu gères en particulier les studios. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Est-ce que c'est juste de l'organisation ? Tu nous as parlé un peu de com. Est-ce que tu gères du matériel ? T'en achètes ? Tu l'installes ? Est-ce que quand les gens jouent, t'es obligé d'être là ? Ou ça reste surtout de la préparation ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les groupes réservent à l'avance. Donc nous, on a le temps de voir ce qui va arriver, de préparer les studios en fonction de ça. On les installe et puis dès que c'est bon, on les laisse jouer. Et puis il faut être là en fait juste pour les installer, pour les accompagner si c'est des nouveaux, pour leur dire ce qu'il faut ramener comme matos, ce qu'on a déjà. Puis après, c'est eux qui gèrent. Nous, on a installé. Notre mission, c'est d'installer les groupes et de respecter les horaires. Et ça s'arrête là. Après, les groupes, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont combien de temps en général ? C'est des créneaux d'une heure, deux heures ? C'est eux qui choisissent. Ça peut aller d'une à 4 heures, voire 5. Waouh ! Okay. Ah oui, ça arrive. Ok. Et justement, ça les materne pas trop, en fait, de faire une grosse partie ? Parce que du coup, entre guillemets, ils apprendront jamais un petit peu à gérer le matériel, etc. Ou justement, il y a des gens, j'imagine, qui n'y connaissent rien. Ça leur va qu'on fasse un petit peu toutes ces choses ? Ah bah complètement, oui. Ouais. Complètement. Et t'as des gens qui viennent te dire oh ben viens, j'aimerais bien tu me montres comment on installe des trucs ou... Oui, bah en général, quand c'est des Bah, c'est souvent les mêmes groupes qui viennent répéter, on les connaît, puis ils savent utiliser le matériel. Mais des fois, oui, il y en a qui viennent et qui ne savent pas. Donc on les installe, on leur dit voilà, est-ce que on règle leur son, on explique à peu près comment ça marche, et puis on leur dit si t'as besoin, moi je suis à côté. Et puis des fois, oui, ils viennent. C'est pour ça qu'il faut être là aussi, parce que même si les groupes répètent, des fois ils sortent pour demander un petit truc. Ok. Est-ce que tu prends un peu. Est-ce que tu saurais nous décrire une journée type de comment ça se passe le matin, tu te lèves? Alors, c'est plutôt en soirée. Les horaires Ouais. d'ouverture des studios, c'est soit 14, 14, ça peut être 14 minuit, ça peut être 18, 22 en semaine. C'est très aléatoire, mais c'est souvent le soir. Donc, non, la journée typique, c'est je passe à la souris dans l'après-midi, je fais le point avec les collègues, je gère le blog, je recense les dates. Voilà, des fois, je vais voir les ateliers, des fois, je vais voir ce qui se passe en bas. Et puis, quand arrive le moment des studios, je descends au studio et je gère les studios. C'est à peu près combien d'heures par semaine? Ton contrat, c'était quoi? C'était 24 Ah, heures, 35 non, c'est heures? 30 heures dans le contrat. 30 heures, Après, ouais. c'est des milieux où c'est très variable. Il y a des heures et Ouais. des semaines où je pourrais faire 40, un peu plus, et d'autres où j'en ferai 15. C'est Ouais. très, très aléatoire. Et c'est ça qui me plaît aussi dans le boulot. Ouais, que ça soit différent tous les jours, j'imagine. Moi, c'est exactement ce que je recherchais. C'est mes horaires, c'est tout ce qu'il faut. Et ça te fait pas un peu bizarre de travailler le soir ou... Ou même le week-end, j'imagine. Enfin, les gens sont plus habitués à travailler en journée et le soir rentrer chez eux. Ça dépend vraiment. Bah, après, oui, c'est vrai que travailler le week-end, le samedi ou le soir, ça prive pas mal de faire autre chose à côté, mais on a la journée pour ça. Donc, après, non, moi, ça me convient très bien. Je sais que ça peut pas convenir à pas Beaucoup de mal de gens, ouais. gens, mais moi, c'est mes horaires de travail me correspondent parfaitement. Je suis pas du matin, Ouais. donc c'est plutôt cool, quoi. Ok. Et ça te permet de faire des grasses mat tous les jours, entre guillemets. Mais bon, après, ça te fait coucher tard les soirs. Ça te décale, en fait, C'est ça, par je suis rapport aux complètement autres gens, décalé, quoi. c'est ça que je recherchais, ouais. Ok. Après, ça m'arrive de me lever le samedi matin pour aller répéter aussi, enfin. Tu mènes un peu une double vie. Est-ce que tu fais d'autres projets comme ça en parallèle de ta mission en service civique? Ben, ton Projet, groupe, tes groupes déjà de musique, bah il y j'imagine? a mes groupes, mais bon, c'est pas, j'ai pas de gros projets à part ça. Ça te prend beaucoup d'heures à côté ou ça reste, enfin je sais pas comment dire, Surtout les heures de répète, ouais. C'est ouais. les heures de répète, mais évidemment, qu'un projet, ça prend du temps. Après, moi, je me presse pas. J'ai pas du tout envie d'être célèbre direct ou quoi, de percer ou quoi. J'ai pas. Moi, on prend notre temps, en fait. On laisse. Faut que ça reste un plaisir. Faut pas que ce soit un Ouais. travail quand je fais de la musique. Donc, on prend le temps de tout faire. On se prend pas la tête. Après, c'est bien quand tout le monde du groupe pense la même chose, quoi. Voilà. Si vous êtes tous dans le même esprit, ça se passe Ah, bien. c'est la base. Ouais. Enfin, j'ai eu plusieurs groupes et ça, c'est vraiment la base, c'est qu'il y ait une bonne cohésion. Il faut limite engager un psychologue si jamais tu veux que le groupe dure, parce que un groupe peut percer. Ça arrive souvent en plus qu'un projet se forme et qu'ils sont chauds et que hop, Ouais. ça commence par un plateau amateur à la souris verte. Après, ils font la première partie, ils font les tournées dans les pays de l'Est, machin. Puis ça split après. Ça arrive pas que dans les Vosges, ça arrive pas partout ce genre de projet. Et moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Enfin, moi, c'est. Dans mes groupes, on a cette base solide qui est faut qu'on reste potes et qu'on fasse les choses bien en prenant le temps. Tu penses que ça vient de la, comment s'appelle, la cohésion, c'est ça? Faut que la base soit solide, il faut donner Ouais. le temps aux racines de pousser. C'est aussi simple que ça. Mais ça, C'est poétique. c'est moi qui pense ça. Mais après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, j'ai rien contre ça. C'est super cool, les projets qui se créent super vite. Ouais. Moi, je suis impressionné, moi, des fois. Ok. Il y a des projets qui arrivent comme ça, tu les vois pas arriver, et puis bam, ça y est, c'est parti. Ça explose et puis des fois après ça redescend Ça redescend au temps vite, ouais, mort, en quoi. général. Mais bon, ça, c'est aussi que un découragement après quelques années à galérer, à Ouais. tourner. C'est compliqué de vivre de sa musique. Au bout d'un moment, on lâche l'affaire. Et puis, il y a aussi les histoires de membres qui partent étudier Ouais, ailleurs, qui partent ouais. travailler ailleurs. Hein, voilà, quoi. Ça y a souvent quand même. Ouais, c'est pour ça qu'il faut quand même garder aussi du plaisir. C'est ce que tu disais, du Pour moi, c'est plaisir et la l'essentiel. bonne ambiance, quoi. Ok. Alors, ben. Sinon, non, j'ai pas de grands Ouais. projets. Alors justement, J'ai il y plein d'idées en a. tête, Ouais. mais je suis considérablement limité financièrement. Donc après mon service civique, je vais prendre un travail qui me permettra d'avoir le matériel nécessaire et après je pourrais éventuellement le lancer. Mais pour l'instant, c'est que des idées, donc je m'avance pas. J'ai plein de projets en tête, mais je n'ai encore rien fait. Ok, c'est plus une question, tu dis financière ou une question de temps que t'as, ou forcément tu fais déjà des choses peut-être. Oui, c'est une question, oui, c'est financière. Puis il y a aussi le savoir-faire, les contacts. C'est assez compliqué. C'est pas des projets Ouais. normaux que j'ai en tête. C'est des trucs un peu. Faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit avant tout pour moi. Et enfin, Ok. faut pas que ce soit pour. Tu te laisses du temps un petit peu pour le monter petit à petit et Voilà, laisser les idées se mettre pour moi, et faut en que ça place, vienne quoi. naturel. J'improvise sur le Ouais. moment et des fois, je vais avoir une idée et Ok. paf. Voilà, moi, avant d'avoir les deux groupes qui tournent, qui sont actifs et qui tournent à peu près bien, j'étais dans plusieurs groupes où j'ai lâché l'affaire, où je trouvais que c'était naze, quoi. Ah, le groupe en lui-même ou Bah, ta ça me plaisait pas position, en ta fait de place, jouer ouais. avec eux, ça me plaisait pas la façon de penser, etc. Bon, après. Après, c'est bien, ça, tu te rends compte en fait de ce que tu aimes vraiment. Et entre guillemets, si ça te permet toi de cibler tes envies et de te rendre compte que il y a des gens qui restent des fois dans leur position sans jamais bouger et ils sont pas capables de comprendre ce qui va pas, quoi. Ouais, Ça te permet voilà, d'avancer, mais. Ouais, quoi. C'est pas voilà, mais mal. ce que je voulais dire, c'est que les deux groupes que j'ai là, ils sont arrivés comme ça, je m'y attendais pas. Oui, des fois, c'est. Ouais, J'étais en c'est. manque de. Je voulais jouer avec des gens, tous mes groupes avaient splitté, j'étais un peu déprimé, je disais en fait non, je suis pas fait pour jouer en groupe. Et là, paf, en un an, je suis rentré dans deux groupes et on est liés par le sang. Enfin, je trouve ça génial ce qui va se passer. Ah, il faut jamais dire non des fois à certaines occasions qui se présentent. On ne sait jamais comment Faut ça va se savoir passer. saisir, voilà, faut saisir sa chance et moi j'ai pas envie de la provoquer, j'ai envie Ouais. de la saisir quand elle arrive. Et alors justement, comment t'es arrivé en service civique? Est-ce que pour toi, ça a été genre une occasion comme ça qui s'est présentée? Ou c'est vraiment quelque chose qui a été réfléchi? Est-ce que c'était en rapport avec ta profession? Est-ce que... Voilà, dis-nous tout. Ah bah voilà, très bonne question. Ouais, bah c'est l'exemple typique. Là, Ouais. je venais de finir mes études, je cherchais du travail, j'en trouvais pas, c'était compliqué. Et puis j'avais une proposition. Du coup, je me suis tourné vers le service civique parce que pas mal de jeunes qui galèrent à rentrer dans l'emploi font un service civique. J'ai commencé à rechercher ce qu'il y avait dans ma région et j'ai vu que la souris recherchait quelqu'un. Et c'est là que je me suis dit, c'est complètement le truc qui me correspondrait. Il faut que je saisisse ma chance, il faut que j'y aille. Bon, après, c'est une histoire assez rock'n'roll parce que moi, je suis pas d'Épinal à la base. Ah. J'étais pris dans un autre service civique et j'avais vraiment besoin de boulot. Donc, en plein milieu de. J'étais en train de signer le contrat avec l'autre service civique et puis là, la souris verte m'appelle et me dit, ah, on prend rendez-vous. Alors, j'y suis allé et je me suis dit, bon, bah, je vais pas être pris, de toute façon, c'est loin. Voilà. Et en fait, ils m'ont dit, bon, bah, on te prend, tu as un profil intéressant, mais il faut que tu habites sur Épinal et que tu aies une voiture. Donc moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ma zone de confort? Est-ce que je reste sur Saint-Dié chez mes parents et que je fasse mon service civique dans un collège comme prévu? Ou est-ce que je fonce? J'ai l'occasion, ils me veulent la souris verte. Est-ce que je fonce? Est-ce que j'y laisse un loyer et un remboursement de voiture? Bah oui. Ok. En gros, ouais, je l'ai vraiment voulu et c'était pas du tout prévu, attendu qu'ils me prennent moi en tout cas, parce que j'étais loin, j'avais pas de voiture, etc. Et j'ai foncé tête baissée, c'est comme ça que je suis rentré dedans. Ça n'a pas été trop dur de dire non à Saint-Dié, ils ont pas trop mal pris Ah bah entre pour le coup, moi guillemets j'étais les tellement autres. content qu'on m'annonce qu'ils me voulaient à la souris verte Ouais. que Ouais, bah, je les ai appelés. En plus, ouais, j'allais signer le contrat 2 jours avant. Enfin, c'était n'importe quoi cette histoire, mais je m'en suis sorti. J'ai dit, bon, bah écoutez, je suis pris ailleurs. Ouais. Voilà, je me casse ailleurs. Mais ça prouve, ouais, c'est quelque chose encore une fois. C'est dans ma vie. Enfin, la mission de la musique actuelle, c'est ce que je veux faire, évidemment. Donc, j'ai saisi la chance et ça a prouvé un peu la motivation à rejoindre le poste, parce que je suis pas du tout d'Épinal à la base. C'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Donc j'ai saisi la chance quand elle m'est arrivée. Ok. Avant de continuer là-dessus, je te propose... Une suite, une deuxième pause musicale. Donc ça, c'est toi qui as choisi. Ah. c'est Barbès, donc d'un groupe FFF. Yeah. Et on revient tout de suite après, donc sur Portrait Civique. Thank you. la canicule vous gêne. Toutes ces mâcheuses de noix de cola, érotiques à vous donner le palu. Dans les rues sombres, ne vous laisse pas le choix. On y voit bien plus clair, elle est venue. Déchiffrez la légende urbaine, ça pantale et tout recommence. Venez dans le 18e, vous faire charité, vous réoxygéner. Oh, mais oh, me monte à la tête, me monte à la tête. Oh, mais ah, yeah, yeah, yeah. Oh, me monte à la tête, me monte à la tête. Vous venez d'entendre la musique Barbès du groupe FFF, donc une musique que nous a conseillée Loïc, yeah. Qui passe donc dans notre émission des portraits civiques d'aujourd'hui. Donc Loïc qui est en service civique à la Souris Verte. Alors vite fait, pourquoi cette musique? Pourquoi FFF? Ah, FFF, très bon groupe qui s'est reformé récemment et qui continue à faire quelques dates. C'est bien de soutenir un peu la scène française, et ce groupe-là est un peu particulier. C'est quand même, ils appellent ça de la funk, ouais, c'est un mélange de la funk vachement catchy. Et c'est vrai que moi qui suis de 95, ça a percé quand moi j'étais gamin, et aujourd'hui les jeunes de mon âge, ils connaissent plus trop. Donc moi j'aime bien leur rappeler que, mais il y a 10 ans, on avait ça en France, tu vois, et c'était vachement cool. Et puis voilà, quand j'ai vu le CD dans la radio, j'ai dit, allez hop, on va passer un petit FFF, ça fait pas de mal. Voilà, pour l'anecdote, il est passé de l'autre côté dans les studios et il a trouvé le CD, il a fait passe cette musique. Donc voilà, c'est de la musique qui doit sûrement passer dans les playlists de Radio Guimauzo quand la musique passe en aléatoire. Ok, alors peut-être on va revenir sur ton service civique. Donc tu nous as expliqué un petit peu comment tu avais trouvé cette mission, cette occasion qui s'était ouverte à toi. Donc tu nous as dit, ton profil intéressait beaucoup la Souris Verte. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, tu as fait quoi comme études? Est-ce que c'était ton profil aussi par rapport à des associations dans lesquelles tu t'es investi ou... Après, c'est un service civique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de diplôme à avoir. Mes études, j'ai une licence en art du spectacle, qui est la voie de garage par excellence, mais ça n'a pas du tout compté dans la chose. En fait, ils voulaient quelqu'un de motivé, qui traînait un peu dans la musique actuelle, c'est-à-dire qui bougeait en concert de temps en temps, dans l'underground ou pas. Quelqu'un de motivé qui avait une voiture, qui pouvait être un vrai plus pour la structure. Et moi, à l'entretien, ça s'est passé, en fait, j'ai rien fait, je me suis même pas vendu, on a discuté de tout et de rien. Ouais. Et ils ont vu en moi que j'étais motivé, ils ont vu en moi que j'aimais bien les musiques actuelles, que je traînais dedans, donc ils se sont dit, même s'il habite à Saint-Dié, on va le prendre, on sait qu'il est motivé. Et ils m'ont laissé carte blanche, et moi, en 2 semaines, j'ai réussi à trouver une chambre, une voiture, puis j'ai débarqué là-dedans, et puis depuis, on s'adore, quoi. C'est vachement cool ce qui se passe. Tu penses le fait d'être dans un groupe de musique et d'être toi-même musicien, ça a compté pas forcément. Alors ça, c'est compliqué. Il y a une grosse discorde dans la souris en ce moment à cause de ça. C'est la fameuse « il faut pas embaucher de musicien parce qu'il privilégie un gros travail ». C'est un avantage et un inconvénient selon eux. Un avantage parce que voilà, pour moi, en fait, quand tu fais ce métier-là, de régisseur studio, il faut que tu saches c'est quoi répéter. Il faut que quand t'es zikos, c'est quand même compliqué de caler des répètes. Donc moi, même si les groupes de temps en temps ils réservent à la dernière minute, je les accepte parce que je sais que c'est compliqué. Mais un autre régisseur qui est pas musicien, lui, il va dire bah non, non, vous répétez pas, vous avez pas réservé dans les règles. Donc oui, c'est un avantage et un inconvénient. Enfin, moi je trouve qu'il y a que des avantages. Hein. Ouais. Mais d'autres professionnels, on va dire, qui sont pas zikos, eux trouvent que c'est un inconvénient parce que de temps en temps, oui, ils vont, les musiciens, ils vont te la mettre à l'envers selon ses dires, hein, mais ils vont prendre un jour de congé alors qu'il y a du travail à faire, etc. Mais moi, je pense que oui. Pour faire un métier, tu dois connaître à peu près... Qu'est-ce que c'est, en fait ? Voilà, tu dois savoir ce que c'est. Moi, je sais c'est quoi répéter. Je répète deux fois par semaine en tout depuis un an. Bah, je sais ce que c'est à peu près le travail, quoi. Je sais, okay. Je sais comment gérer ça. Tu nous as dit que ta licence, c'était une voix de garage. Pourquoi ça ? Bah, c'est réputé, la licence art du spectacle, c'est la voix de garage par excellence. Et tout le monde le sait depuis longtemps. C'est-à-dire que ça mène vers rien ? Rien ou... du tout. Okay. Ah ouais, rien du tout. Mais t'as appris quand même des choses intéressantes ? Oui, évidemment, oui. Je me suis beaucoup amusé dans cette licence. Ouais. C'était vachement cool. C'est quelque chose que t'as fait, j'imagine, en 3 ans ? Ouais. À la fac ? 3 ans, 4 en réalité. C'est à quoi ? À Metz ? Ok. Mmh. Dans une fac laquelle Bah, la fac de Metz, okay. Fac du Solci. D'accord. Pour les gens s'ils sont intéressés. Je sais pas si d'ailleurs il y a, je pense pas qu'il y ait l'équivalent dans les Vosges, ça c'est sûr, je pense pas qu'il y ait l'équivalent. À Nancy, je sais pas trop, j'avoue. Peut-être d'autres. Cette licence, ça peut pas t'amener vers des masters ou d'autres. Ah, si, si. Des licences pro, mais, d'autres. Si, si, mais c'est vraiment le seul. Enfin. Ouais, on peut faire une licence pro à PAMA ou on peut faire des masters, mais c'est tout. Sinon, après, il faut les contacts. La licence, elle apporte rien en tant que... Mais après, ça, c'est commun à beaucoup de diplômes. Ouais, mais cette licence-là, c'est vrai qu'elle mène pas à grand-chose, quoi, à part ceux qui veulent effectivement continuer en master ou en licence pro. C'est pas forcément reconnu en tant que diplôme. En fait, c'est plus pour t'amener vers une suite, quoi, c'est ça ? Mais dans le spectacle, c'est le cas. C'est beaucoup le cas dans le monde du spectacle en général. Ton diplôme, on va pas te le demander. Il faut avoir les contacts. Il faut qu'on sache qui t'es, ce que tu sais faire et être dans un réseau. C'est ça le plus dur, en fait. C'est d'y rentrer dans le réseau. Et justement. Et de montrer ce que tu sais faire. Et le marché est saturé, donc c'est compliqué. Et moi, j'avais un petit peu discuté avec des gens qui sont en école d'art et ils disaient justement, comme tu disais, en fait, c'est le réseau le plus important. Et l'école, en fait, c'est pas forcément des connaissances, mais vraiment ce réseau. Et toi, cette licence, ça te permet pas justement de rencontrer des gens qui vont développer d'autres choses ou... Si, mais ça reste toujours fac, amateur. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ok, parce que toi alors, quand tu as choisi cette voie, est-ce que tu savais et, bah, pourquoi un peu t'es allé par là ? Est-ce que t'avais d'autres alternatives ? Ou t'y allais en connaissance de cause en me disant bah, « moi ça me va très bien, puis on verra après ». Non, non, moi je suis l'aîné, c'est-à-dire je suis le premier enfant d'une série de 4, donc j'ai jamais su ce qu'il fallait faire et c'est moi en fait qui ai découvert le monde des études, de post-bac et du travail en premier, alors qu'à l'époque de mes parents c'était pas pareil du tout. Donc non, j'ai pas été trop guidé, je suis allé un peu où je le voulais, j'ai essuyé les plâtres, on va dire. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Au début, je voulais faire de l'infographie. Après, je voulais faire beaucoup de choses. Puis, je suis rentré dans la musique. Maintenant, ma religion, c'est le rock'n'roll. Je suis rentré dans la musique actuelle et je me suis dit... Je m'en suis rendu compte en pratiquant ma mission de service civique. C'est que je ne saurais pas faire autre chose, je pense, sans avec plaisir. C'est un travail que je fais avec plaisir. Et je pense que tous les autres travaux, quels qu'ils soient, je ne le ferai pas avec plaisir. Je pense que je ne peux faire que ça. Mais ça, c'est parce que j'ai pas trop d'ambition. Mais... Oh bah, au moins, tu as trouvé ta voie. Et je pense qu'en musique, tu peux quand même faire énormément de métiers et dans des environnements quand même assez différents. Et pourquoi tu... Enfin, c'est peut-être une question, tu me dis, si c'est trop personnel, pourquoi tu n'as pas continué en fait, après la licence ? Tu t'es dit, non, maintenant, je cherche du travail ? C'est une question financière, peut-être ? J'en ai eu marre parce que la licence, c'était une catastrophe. Au début, ça allait, mais c'était de pire en pire. Et puis surtout, je ne pouvais plus. Moi, comme je dis, je suis l'aîné. Je ne pouvais pas continuer parce que c'était priorité au petit frère qui rentrait dans le supérieur. Donc à partir de là, c'était je me démerde. Et c'est pour ça que j'ai cherché pendant à peu près un an des boulots à la con. et que je suis tombé par hasard sur ce service civique-là, et que j'ai tenté ma chance, et que j'ai foncé tête baissée sans réfléchir, en fait. C'est comme ça que j'y suis arrivé. Et c'est comme ça, c'est ma manière de procéder en général. Moi, j'improvise et j'attends que ça vienne. Je provoque pas. Voilà, ça peut être vu comme de la fainéantise ou quoi, mais ça m'a permis de trouver ce service civique-là, ouais, effectivement. Mais quand tu cherchais une mission en service civique, tu t'attendais pas forcément à trouver ça, en fait. Mais pas du tout. Et quand j'ai vu ça, moi, ça a changé ma vie, en fait. Enfin, presque. J'ai vu ça et je me suis dit, ah ouais, ça existe. Bon, on va tenter notre chance. Ah ouais, c'est marrant parce que moi, justement, c'est l'inverse, en fait. J'ai découvert, je sais pas, genre sur la page Facebook de l'autre canal, je pense, de Nancy. Je sais pas, une fois, j'avais vu qui cherchait des services civiques. Et comme ça, j'avais vu d'autres festoches aussi qui cherchaient des services civiques. Et je me dis, waouh, on peut faire, des fois, dans les domaines de la culture, ce genre de services civiques. Ah oui, c'est sûr que c'est vendeur. Hein. Moi, quand on m'a vendu le service civique, on te le vend. Et puis, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça coûte rien à l'entreprise et c'est un plus pour l'entreprise. Cependant, moi, j'étais super content d'en faire un. Mais je me suis vite rendu compte que ça a quand même ses limites. Parce qu'à ce niveau-là, ouais, en fait, tu combles les trous quand tu fais un service civique. Enfin, pas pour tout le monde, hein, c'est très relatif. Mais t'es juste un plus. Et ça s'arrête là. Ok. Et du coup, après ton service civique, tu penses que tu vas un peu... rester là-dedans, un peu dans la gestion de studio, ou est-ce que tu as un peu déjà une idée de ce que tu vas faire après? Bah, j'ai déjà postulé à des postes de régisseur studio dans d'autres salles avec une belle lettre de recommandation du directeur, mais le marché est saturé et puis moi je suis pris jusqu'au juin. Enfin, c'est compliqué. Ouais. Non, mon projet là c'est vraiment de faire un autre métier qui me permettrait d'enfin être indépendant financièrement, de le faire pendant quelques années et après éventuellement de revenir sur le marché, dans les musiques actuelles. Peut-être que dans quelques années, un poste se libérera à la Souris Verte et qu'ils m'appelleront, je n'en sais rien. En attendant, ce n'est pas dans mes projets de continuer là-dedans. De toute façon, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est comme beaucoup, j'imagine, de métiers dans le spectacle et la culture. C'est pas forcément, la plupart des intermittents, quoi. Oui. Il faut le vouloir, en fait, pour faire ce genre de truc. Alors peut-être une question. Moi, j'ai un peu de rentrer dedans. Donc... Ouais. Peut-être une question bête. L'été, justement, c'est la période des festivals. Est-ce que t'as pas des festivals qui pourraient être intéressés par ton profil, alors en tant que intermittent ou en tant que bénévole? Peut-être toi, ça te permet peut-être de garder un peu la main, de faire du bénévolat là-dedans. Je sais pas si ce serait complètement que du bénévolat, mais en général, oui. Bah, ça m'arrive fréquemment, oui. Ouais. De faire du bénévolat en festival, mais. Ce serait uniquement du bénévolat. Les postes de Rodi, les postes de. Je ne suis pas du tout dans le milieu. D'accord. Le service civique ne t'apprend pas à connaître les gens qui font de l'intermittence. Tu en connais quelques-uns, mais ce n'est pas en connaissant quelques têtes que tu vas rentrer et que tu vas être Rodi un jour pour un festival. Il y a plein de gens, il y a déjà un réseau, il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de chercher du boulot constamment. Tous les intermittents, il y a plein de gens qui sont disponibles. Tu veux dire que c'est deux mondes vraiment différents, genre les intermittents, les festivals, les trucs comme ça, et la Souris Verte qui est quand même assez fixe. Toi, tu dis que c'est deux mondes, c'est ça, des réseaux différents? Ouais, c'est beaucoup de petits réseaux, en fait. Ouais. Enfin, petits, ça dépend. Si t'as pas les contacts, tu peux pas exercer l'intermittence. C'est comme ça. Ouais, après, moi, je pose la question parce que... C'est un milieu très fermé. Vu de l'extérieur, tu vois, on se dit c'est de la musique, ça reste la même chose, mais en fait, voilà... Puis même les réseaux de... Moi, je le vois en observant un peu les réunions de programmation, les réseaux de... Les tourneurs, ils ont chacun leur réseau, les tourneurs, c'est pas une grosse boîte qui fait tourner tous les groupes, ils ont chacun leur manière de faire, leur manière de choisir les artistes, leur label. C'est pas mal de petits réseaux. Ouais. Ok. Moi, je vais revenir sur une question, un truc qu'on a parlé avant. Pourquoi exactement ils t'ont demandé d'avoir une voiture à la Souris Verte? Parce que si tu es basé sur Épinal, tu restes quand même assez au centre-ville. Et j'imagine si tu vas dans les studios de Taon, ben, ça reste quand même à côté du train, non? Genre, on peut prendre le train, il y a le train Épinal-Taon. Et... Oui, sauf que quand les studios de Taon, ils ferment à plus de minuit, il n'y a plus de train. C'est aussi simple que ça. Ah oui, mince. Ok. Ah d'accord. Donc c'était un critère de sélection aussi. Quelqu'un qui n'avait pas de voiture, il leur servait à rien. D'accord. Ça permet de faire du tri, tu veux dire, entre les CV? Enfin, tu sais pas forcément. Tu savais, il y avait beaucoup de personnes qui avaient postulé à cette mission? Oh, il y avait une dizaine. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, oui. Je connais d'autres services civiques où des fois, il y a genre une seule personne qui postule, ou deux. Donc, effectivement, le choix est vite fait. Ok. Et du coup, t'aurais pas pu, une fois que t'avais la voiture, c'était pas envisageable de faire Saint-Dié et Épinal tous non. les jours? C'est trop de route? S'il faut passer par le col de la Chipote, c'est pas évident la nuit en hiver, c'est un peu loin. Non, il faut être à l'heure. C'est des horaires très modulables, en fait, le spectacle. On peut bosser le samedi matin. Donc, il faut être dispo tout le temps. Donc, quelqu'un qui n'a pas de voiture, il ne sert à rien. Parce que si quelqu'un qui doit juste compter sur les bus et les trains pour bosser dans ce milieu-là, bah, on le prend, il ne servira à rien, en fait. Ok. C'est aussi simple que ça. C'est pas très rigolo, mais c'est la dure loi. Mais du coup, grâce à ce service civique, j'ai pu m'acheter une voiture et du coup, ça pourra m'ouvrir des portes parce que jusque-là, si j'avais été refusé à plusieurs boulots, c'était parce que j'avais pas de voiture. Ok. Donc, effectivement, ouais, c'est pas mal à ce niveau-là. Et ça n'a pas été trop dur de trouver en dernier moment un appart sur Épinal ? Je connais pas trop le marché. Non. Non. Bah, c'est même le staff de la souris qui m'a conseillé de prendre une chambre étudiante et c'est ce que j'ai fait. Oui, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Alors, je ne sais pas pour les chambres étudiantes, mais en tout cas, on a une espèce de carte service civique qui nous donne des droits ou des trucs comme si on était étudiant. Donc, genre, normalement, on peut aller au cinéma et on a les mêmes tarifs de réduction. Donc voilà, peut-être que ça marche aussi pareil pour les habitations. Tu as le droit à avoir une chambre étudiante. C'est quoi ? C'est le CROUS, du coup ? Non, c'est pas, j'irai pas. Non, c'est autre chose, ouais. Non. Ok. Alors juste peut-être une dernière question. Voilà, c'est pareil, c'est financier. Et du coup, ça te... voilà, pour les gens qui ne savent pas, quand même, le service civique, c'est un peu plus de 500 par mois. T'as réussi à trouver un loyer pas trop cher pour quand même... Parce que ça, plus la voiture, ça te fait quand même pas mal de frais. Ah bah oui, mais c'est ça qui a prouvé qui a fait que je suis rentré dans la structure. C'est que moi, j'étais prêt et je suis toujours prêt à vivre comme ça. À sacrifier, comme tu disais, le confort pour avoir quelque chose. Au bout d'un moment, oui. Au bout d'un moment, il faut bien se lever, il faut bien être un minimum indépendant, il faut bien commencer quelque part. Donc moi, même si j'y laisse un loyer, si j'y laisse une dette et puis de l'essence, au moins je fais ce que j'aime. Et c'est ça le principal. Moi, je pose pas vraiment d'autres questions. Est-ce que tu penses que il y aura une mission de service civique après quand tu seras parti, c'est-à-dire vers juillet? Ah oui, c'est prévu. Donc les gens qui sont intéressés pourront regarder un petit peu les prochaines missions qui s'ouvriront. Ça sera le même style de mission que tu fais ? Oui, ils recherchent, mais ils en prennent un deuxième. Okay. Ils en prennent un après moi, puis ils en prennent aussi un deuxième en accueil artiste. Mais okay. C'est en ce moment. Donc, ça marche. Ah, on peut déjà postuler, voir... Pour l'accueil artiste, on peut postuler dès maintenant. Ouais, ok. Voilà, après, pour l'autre poste que je suis en train de... L'autre mission que je suis en train de mener, ce sera pas avant... ce sera à la rentrée. Ce sera cet été. Ok, ben j'espère qu'on a intéressé nos auditeurs. Peut-être qu'il y en a qui postuleront à la Souris Verte. En attendant, ben merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Eh ben, un plaisir. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine donc pour une nouvelle émission de Portrait Civique.